Non souris bon moi, bon bête tout pour le moins tombé à terre. Il y a un moment moi qu'on observe, pas ni un qui l'amour a dansé. Qui ça ouvre? Já sabe, salva a tendemã. Já lê, já assim, mãe. Mãe, beba, resiste ou encore. C'est l'amour.